Pâques ou à la mi-carême. Quand je serai libéré, lorsque j'aurai fini ma peine, oh que j'irai t'embrasser dans notre jardin d'Angleterre. Les roses ont dû refleurir si tu en portais à ma mère. Ça me ferait bien plaisir. Marie, écris donc plus souvent. Marie, aux 14 200, je travaille à la bibliothèque, je m'invente du bon temps, j'ai pour amis tous les poètes, Baudelaire, Chateaubriand. Pour nous ici, quoi qu'on en pense, ils sont vraiment très gentils. On a du dessert le dimanche, du poisson le vendredi. Marie, écris donc plus souvent. Marie, aux 14 200, à Pâques ou à la mi-carême, il reviendra bien le temps où tu pourras dire je t'aime. Aux 14 200.